Salut. Salut. Quel est ton prénom ? Benoît. Benoît, t'es un médic. T'as le t-shirt blanc là sur la manif de Rouen. C'est ça. Est-ce que tu peux nous expliquer le boulot que vous faites ? Vous êtes une grosse équipe ? Non, là je suis tout seul aujourd'hui. L'autre partie de l'équipe est montée sur Paris. D'accord. Donc, on essaye toujours de laisser un ou deux membres de l'équipe. Enfin, on est deux équipes sur Normandie en gros. Donc on essaye de toujours laisser un petit peu de personnes sur Rouen. C'est plus qu'avant ce moment, donc on peut se permettre de laisser une ou deux personnes. Ouais, parce qu'il y avait un appel à manifester à Paris aujourd'hui, ouais, voilà, donc ouais. La manif de Rouen est moins grosse, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont partis. C'est ça, beaucoup de personnes sont parties sur Paris, et du coup... Ça a l'air de chauffer pas mal d'ailleurs. C'est ça, bah, ils se sont fait nasser dès le départ, les forces de l'ordre en cas de la manifestation, donc... On sait le maintien de l'ordre, comment il est fait maintenant, il cloisonne, il s'écasse, puis faut pour faire monter les esprits, puis voilà. J'attends que ça pète. Et toi, t'es dans le milieu médical sinon, en temps normal ou pas du tout ? Moi, j'ai fait 7 ans d'ambulance et 1 an d'aide-soignant. J'ai travaillé au SAMU aussi. Donc j'ai vraiment des vrais diplômes. Tous les médics ne l'ont pas, malheureusement. C'est important. Okay. T'as permis de devenir médic, de donner les premiers soins sur les manifs de Rouen. Et comment est-ce que tu qualifierais justement le maintien de l'ordre sur les manifs de Rouen ? Enfin, comment ça se passe ? Là, pour l'instant, c'est calme. Ils se montrent pas trop. C'est bien. Après, on voit que c'est les gendarmes. Il y a une grosse différence entre les gendarmes et les CRS. Les CRS sont vraiment plus... On a plus de mal avec eux. C'est triste à dire, mais c'est une réalité. Il doit y avoir aussi une grosse différence entre les manifs organisées par les syndicats et puis les manifs que Gilets jaunes qu'il y avait eu dans toute l'année précédente. Oui, il y a une différence. Après, moi, je suis Gilets jaunes de base. Hein. Donc, je fais ça en plus. Après, oui, les syndicats sont plus sages. Est-ce que c'est la bonne solution ? Je ne sais pas. Je dois rester neutre. Ouais. Et voilà, quoi. Ouais, non, c'est plus calme avec les syndicats, c'est clair. Mais les forces de l'ordre ne réagissent pas plus de la même façon. Ouais. Sur les petites villes, du moins. Tu veux dire autre chose ? Non, on recrute. Parce que malheureusement, on n'a pas de statut vraiment reconnu. Donc on a le statut de manifestant. Donc par exemple, en allant des Gilets jaunes, on s'est fait interpeller avec ma collègue. On a fait 24 heures de garde à vue, destruction du matériel. C'est complètement dégueulasse. Pour quel motif ? Participation à un mouvement en vue de commettre des dégradations. Et port d'armes de catégorie D, le masque à gaz. Ah oui, d'accord. À savoir que les gaz lacrymogènes, ils sont complètement illégaux. Il n'y a pas de normes de fixer. On ne sait pas quelle dose de cyanure qu'il y a dans le gaz CS. Il n'y a pas de normes. Et nous, on le voit sur les grosses manifestations où des personnes tombent littéralement inconscientes à cause des gaz lacrymogènes. Mais bon, tout va bien, c'est comme les brisoles. Il n'y a pas à s'inquiéter. Bah, peut-être que dans 10 ans, il y aura beaucoup de cancers, non seulement à cause de Lubrizol, mais à cause de tous les gaz lacrymo qu'on aura mangé pendant les manifs. Bah, j'en suis sûr, parce qu'on sait que ça attaque le foie et les reins. Et on a même un biologiste qui s'est penché sur le cas, qui ont fait des mesures, il a été perquisitionné, et au mois de juin, il sera jugé pour plus ou moins en fait d'attentat, parce qu'il s'est renseigné sur les gaz. C'est triste à dire, mais même les forces de l'ordre n'ont pas de contrôle sanitaire derrière. C'est un peu moche pour eux aussi, quoi. Parce qu'ils en respirent aussi. Voilà. Moi, je sais pas. Merci. De rien. Bon courage, fais attention à toi. Ouais, merci. Sois calme. Justice nulle part.